quand je cache cette rose, c'est leur façon de se montrer. Les teddy boys, c'est quelque chose en France. Il m'a eu là. Et dans le monde entier. Cabinet.